within. It's there to be found. It is deep inside and all around. It's a gift that only you can bring. It's a song that your heart wants to sing. So take a breath and take a stand, and don't you be afraid. Secrets within are beginning to glow with a shimmer and a glimmer where they ought to go. Let the magic shine. Let the magic shine. A twinkle of light and the shadows fade away. Okay, now let it shine. Salut Parcurien, comment vas-tu? Salut Maxime, comment ça va? Ouais, ça va très bien, et toi? Moi, je pète le feu. Alors, on fait une music box, mais sans Alex. C'est voilà. Ça. Et maintenant, on reprend donc les lives de la music box. Hein. On est quand même le 3 novembre. On a. Ouais, bah oui, bah, c'est la rentrée. C'est la rentrée, là, dans deux jours. C'est vrai. Attends, on est en avance. On avait dit avec Alex, on faisait un live par mois. Bon, là, au final, on en est à un live tous les trois mois. C'est même le troisième mois. Avec Alex, du coup. Mais voilà, il suffit qu'au moins c'est relancé. Alex va revenir bientôt, il m'a tenu au courant. Donc, on dit, c'est terminé. Et on va pouvoir bientôt relancer les lives. Et puis, donc aussi, les formats plus longs en podcast. Hein, parce qu'il fallait bien compenser un peu avec des formats courts, des vieux formats qu'on avait montés. Ce soir, on s'est dit, pour lancer le truc, on va faire un show d'LP. En plus, avec Alex, on avait eu l'intention de faire ça pour cet été. Alors, je sais même pas si tu te souviens, mais à la base, je t'avais même dit, je ferais bien un podcast, hein, rien que d'y penser, sur Mickey le magicien, ça te dirait. Et tu m'as dit, on doit le faire en music box. Et je fais, tant pis. je vais le faire en music box. Ah, génial. Voilà. Avant de parler de Mickey le magicien, est-ce qu'on remercierait pas les Patreons? Donc, la Disney Music Box est un live et un podcast du Label et la Bête avec rien que d'y penser, avec Flan Flanmé, Musicland, Secret Disney, les Live Fiches avec le Label et l'Apéro et tout ça. Et peut-être plus. Hein? Peut-être plus bientôt. Peut-être même plus bientôt. Vous pouvez nous soutenir via le site internet, via vos écoutes, via vos petits commentaires qui nous font du bien, et surtout aussi via Patreon. Et pour ça, on va remercier les différents patrons de ce mois-ci. Merci Antoine. Alors pourquoi l'épisode il est dédié à Antoine? Parce que j'aimerais qu'on profite de ce live, Maxime, ouais, pour répondre à une grande question qui est à mon sens la plus grande question autour de Mickey le magicien. Est-ce que tu as trouvé Antoine? Cherche Antoine, caché dans ton cœur. On l'a jamais trouvé, ce con. Ça fait 7 ans que le show il est là, peut-être qu'ils attendent ça pour le mettre à jour, je sais pas. Et ben c'est parti, Parcurien, pour qu'on puisse un petit peu décortiquer, analyser le show Mickey Magicien, et puis donc surtout, avec Music Box, la musique. Je t'écoute, dis-nous tout sur Mickey et le magicien. Ah, je dois te dire tout. Tout sur Mickey et le magicien. Donc, quand est apparu Mickey et le magicien aux alentours de 2016? Mais il faut savoir que avant Mickey et le magicien avait lieu un spectacle qui s'appelait Animagique. Et Animagique était présenté au sein d'un studio qu'on appelait le Studio 3 à l'époque. Il faut savoir que ce spectacle a duré de l'ouverture du parc Walt Disney Studios, donc en le 16 mars 2002, si je ne me trompe pas, jusqu'en janvier 2016. Et dès l'été 2014, il a été annoncé que le show serait remplacé, qu'il ne reverrait plus le jour à la fin de sa saison 2015. Et donc voilà, la dernière représentation le 31 janvier 2016. Ouais, 31 janvier 2016, début juillet, 5 mois, pardon. 5 mois de changement. 5 mois, sachant qu'ils ont eu des retards. J'avais complètement oublié cet épisode. Des retards à Disneyland Paris ? Souviens-toi, en juin 2016, il y avait eu pas mal de grèves au niveau des ports. Oui. Voilà. Donc, c'était l'excuse qui leur avait servi pour décaler un petit peu l'avant-première. D'accord. Mais apparemment, va savoir si les retards étaient uniquement liés à ça. Après, c'est possible s'ils devaient recevoir du matériel et qu'ils l'ont reçu en retard, ça peut expliquer aussi. Donc voilà, le théâtre a fermé le 31 janvier 2016. Il a été réhabilité pendant toute une période. Sa façade a été refaite. Hein. Avant, il y avait le gros logo Animagique. Ils en ont profité pour changer le nom du théâtre. Et donc, en hommage au show précédent, ils l'ont renommé le Animagic Theatre, qui avait lieu à l'époque dans ce qui s'appelait Toon Studio, hein, qui allait changer de nom quelques années plus tard en World of Pixar. Aujourd'hui, bien malin celui qui sait si Mickey le Magicien est dans Toon Studio ou World of Pixar. Non, je pense pas. Non, je pense pas pour le coup. Production Code Card, on l'appellerait la zone générique. Ouais, la zone theater. Je sais pas si on a le droit de le dire. Oh, si, on s'en fout. Donc voilà, derrière il y a eu pas mal de communication, de petits. On sent que c'était quelque chose qui était assez important pour un peu recontextualiser ça. En 2016, c'était le début du retour des saisons et des spectacles qui avaient été sabrés. En 2012-2013, donc en fait en 2012 à Disneyland Paris, vous avez l'arrivée de Dreams. Et Dreams, quand il arrive pour les 20 ans, c'est un événement majeur et c'est un tel succès en fait que derrière, il est proposé tous les jours. Alors, vous pouvez s'attendre à ce que ce soit le cas pendant l'anniversaire, mais c'est resté à la suite. Et avec ça sont venus les horaires étendus. Et donc, en fait, ça veut dire que c'est à partir de 2012-2013 que le parc Disneyland a fermé ses portes, plutôt aux alentours de 22-23 heures, dès avril-mai. Alors que je me souviens quand j'étais gamin, même l'été. 22 heures, c'était déjà un grand accident. Hein. Alors, en fait, non, ça allait jusqu'à 23 heures parce que tu avais des feux d'artifice, mais c'est juste que, par exemple, les feux d'artifice commençaient peut-être le 9 juillet, tu vois. Donc jusqu'au 8 juillet, le parc fermait à 21h et c'était basta quoi. Donc voilà, et donc, ça a forcément coûté cher. On sait qu'à l'époque, Disneyland Paris, c'était pas aussi lucratif qu'aujourd'hui. Et donc il y a eu énormément de coupes budgétaires sur les spectacles. Donc dès 2013, avec la fin de la parade nocturne, la fin de Tarzan la rencontre, la fin de beaucoup de spectacles. Il y avait pratiquement plus de spectacles vivants après. Ça a fini par revenir plus ou moins au départ de Philippe Gass finalement, aux alentours de 2015. 2014-2015, il y avait la saison du printemps qui était là. Ouais, qui a commencé très timidement la première année, c'était vraiment très léger. Il y avait vraiment deux petits shows, un sur Central Plaza et un sur le théâtre du château, un sur Ma Copine, c'est bien sur Alice. C'est ça. Très je, crois que, je crois qu'en 2015, ouais, c'est l'année où tu as eu l'été Frozen aussi. Et, 2014, et donc... Hiver 2014 peut-être ? Alors non, c'était un été. Non, pardon, le sing-along Frozen avait eu lieu, je crois, déjà à l'hiver 2014, un truc comme ça. Ça me paraît tôt, je suis pas certain. C'est pas très important. C'est pas le sujet. mais du coup, enfin, on voit qu'il y avait eu quand même une longue période où il y avait très très très peu de spectacles. Et tu sens justement que remettre Mickey le Magicien, en tout cas, bon, mettre un nouveau spectacle majeur dans cette salle-là, parce que Animagic c'était sympathique, mais bon, c'était un peu vieillot quand même, un peu dans son jus, quoi. Enfin, des licences, ben 20 ans. Une licence, même des techniques, tu sais, c'était beaucoup de lumière noire et trucs comme ça qui étaient un peu datés. Hein. Aujourd'hui, c'est quelque chose, tu sais, tout ce qui est lumière un peu ultraviolet comme ça, là, ça fait un peu daté dans la tête des gens. Comme... Et donc, 2016, c'est vraiment le début du grand retour, hein, et en tout cas, une première grande étape avec La Forêt de l'Enchantement, avec Mickey le Magicien, et... comment ? En février 2016, La Forêt de l'Enchantement, et puis Mickey le Magicien, le 9 juillet. Le 2 juillet, peut-être que c'était avant le décalage, je suis pas sûr. Je crois qu'il y a eu en première 2 juillet, une petite semaine pour les castes, et puis l'officiel va commencer une semaine après. Ça doit être quelque chose comme ça. Et donc, il y a eu beaucoup de communication autour de ce show. Je me souviens qu'il y avait eu une image, je ne l'ai pas retrouvée en cherchant, mais il y avait eu une image où on voyait vraiment un peu tous les éléments de décor et il fallait un petit peu chercher dedans. Et donc, il y a eu pas mal de communication dessus au fur et à mesure. On a eu des visuels, des machins comme ça. Et finalement, on a eu un communiqué de presse qui nous a un petit peu mis l'eau à la bouche en confirmant donc Mickey le Magicien arrivé. Les inspirations annoncées sont très claires. On est allé chercher un illusionniste, Paul Kiev, donc qui est quelqu'un qui a travaillé sur beaucoup de films, sur beaucoup de productions théâtrales, notamment à Londres. Genre Zorro, le Seigneur des Anneaux, Peter Pan, Scrooge the Musical, Holiday on Ice, un CV Batman, Alice's Adventure in Wonderland. Tiens, si jamais il est dispo pour faire un truc Alice, peut-être une idée comme ça. Mathilda, Macbeth, bref. Bref, que ce soit à New York, à Londres, il avait aussi fait, il a aussi fait des trucs à Thorpe Park d'ailleurs. Il a au cinéma, il a bossé notamment, il a bossé pour Scorsese sur Hugo Cabret. Voilà, alors j'ai pas vu le film, mais il y a de la magie dedans, voilà. Et c'est aussi également apparemment le seul véritable magicien à avoir travaillé sur la saga Harry Potter, puisqu'il a bossé sur le troisième film pour faire. Toutes les séquences où on voit des sphères voler dans la tour de divination, je m'en souviens pas, voilà, mais vous voyez l'idée. Donc le gars a un vrai CV et en fait il s'est rendu à Glendale au ciel d'Imagineering. Alors quand on dit Glendale, attention à ne pas confondre avec Gwendale. Rien à voir. Et au moment où il va à Glendale pour aller voir Imagineering, il propose à un de ses potes d'y aller avec lui. Et ben en fait, il propose à un pote à lui qui connaissait bien de l'accompagner. Et cette personne va travailler pour la première fois avec Disney sur Mickey le Magicien, puisqu'ils vont leur présenter. Enfin, Imagineering va leur proposer le projet. Et le type en question, c'est Tim Lutkin. Donc Monsieur Lumière. Lumière. Pas le chandelier, mais le Gus, qui généralement, quand Disney ils sont prêts à donner des sous pour faire de la lumière stylée, ils proposent à Tim Lutkin. Alors, quand ils n'ont pas de sous, ils laissent faire les gens de chez Paris, mais quand ils ont des sous, ils essayent de faire venir Tim Lutkin. Et donc, les deux se connaissaient à Londres, et les deux, ils voulaient, en tout cas, Tim Lutkin, il voulait devenir Imagineur, il a toujours été fan de lumière dans les spectacles et tout ça, il était responsable lumière à l'école quand il faisait des shows et des trucs comme ça. Et donc, il y a son pote qui lui dit, viens, on va à Glendale. Le mec en CP, qui gérait les lumières. Monsieur, ça ne dirait pas d'avoir un filtre bleu, là, sur le néon. Bon, après c'est les interviews, hein, tu sais toujours. Hein, bon. Totalement. Quand j'étais petit, ma maman, et ça c'est vrai, je l'ai lu, hein, mais je comptais pas le dire, mais vu qu'on en est à se moquer. Quand j'étais petit, ma maman, elle disait toujours que quand on allait au théâtre, je passais plus de temps à regarder ce qu'ils avaient comme projecteur qu'à regarder la scène. Donc voilà, les messieurs, ils sont à Glendale et puis on leur propose donc un projet de faire Mickey le Magicien. Ils font c'est quoi, let's go. Et donc ils font ça. Et donc, on arrive là, début juillet, dans un nouveau spectacle où Mickey va Ça rappelle un petit peu, je crois, un film, peut-être, de chez Walt Disney. Mickey va être l'assistant d'un grand magicien pour essayer à son tour d'apprendre la magie. Mais pour ce faire, il va devoir nettoyer l'atelier du magicien. Ce qu'on pourrait qualifier de stage photocopie, ce qui est une expression boomer, mais pour le coup, c'est assez adapté, je trouve. Sauf qu'en fait, eh ben, peut-être que le stage photocopie, eh ben, c'est là que tu apprends ton métier et que en fait, le magicien, il avait tout prévu. Et que en fait, eh ben, le vrai cours de magie, eh ben, c'est le ménage. C'est beau. Le vrai cours de magie. C'est... Mais non, mais c'est ça, le... je suis désolé, c'est ça le spectacle. En fait, alors si t'es un peu bête, tu te dis « Ah, oh, le magicien, il a pas bien fait le cours. » Alors qu'en réalité, tu comprends très bien que le magicien, il avait tout prévu pour que... Parce qu'à la fin, il lui dit « Souviens-toi des conseils de nos amis magiques. » Donc, c'est-à-dire que lui, il est revenu, bon, et a priori, il était au courant qu'il a vu les amis magiques, ou alors c'est bizarre. Il a une caméra, peut-être, je sais pas. Et en plus, c'est un patron toxique. un propriétaire d'Airbnb qui met des caméras. Je pense que c'est clairement ce qu'on peut définir de l'histoire. Donc, effectivement, en faisant le ménage, il va rencontrer plein de magic makers, ils appellent ça en anglais, ou d'amis magiques en français. Donc, des gens qui sont vaguement magiciens, vite fait, ou qui ont des pouvoirs ou quoi. Et donc, qui vont donner chacun leur vision de ce qu'est la magie. Et en fait, tu vas comprendre que la magie, c'est tout ça. Et la magie étant bien sûr une métaphore hein, pour la vie et surtout de qui on veut et doit être. J'aime beaucoup quand tu dis plus ou moins magique. On en reparlera après. Oui. Que plus ou moins magique, il est... Déjà, ils sont magiciens, lumière, ouais. C'est un chandelier, quoi. Bon. Merci beaucoup pour ce contexte. Et pas de souci, j'espère que c'était bien. C'était voilà. Très, très bien. Merci. Mieux ou moins bien que ceux d'Alex? C'est Alex qui m'aura son avis. On passe à la musique? Bah vas-y, je t'en prie. Et bien, au niveau de la musique, et ben, en fait, la musique a été composée, elle, par John McNeely. John McNeely, c'est celui qui a fait la musique de Dreams. Et donc, qui dit la musique de Dreams? La musique comme... de Peter Pan 2, j'entends en anglais, déjà. C'est la musique de Peter Pan 2. Donc, McNeely, c'est un compositeur de musique de film, il a fait Peter Pan 2, il a dû faire d'autres trucs pour Disney, je n'ai pas été creusé un peu plus, mais surtout, donc, Dreams, et plus tard... Mickey est magicien. C'était un petit peu le compositeur, pas phare, mais un compositeur important là, dans cette période la moitié de 2010. Ouais. La direction musicale derrière a été faite par Vasily Zirlir, assisté de Europa Fenga, qui étaient les deux directeurs musicaux de l'époque à Disneyland Paris. Au niveau de la musique, au niveau de l'orchestration, je trouve ça vache. Enfin, quand je préparais le live, je me disais mais merde, musicalement, c'est vrai qu'on est quand même bien au-dessus d'un, d'un Together ou. Il y a quelque chose. Attends, Un Roi Lion, non. On est au même niveau qu'un Roi Lion. La bande originale, elle est folle. La bande son justement du Roi Lion, je la trouve dingue. Et c'est, moi, je trouve que l'orchestration, ça joue beaucoup parce que. T'as principalement un orchestre symphonique et un chœur. Ouais. Et t'as un ensemble pop qui agrémente un petit peu sur, lorsque t'as la chanson Let the Magic Shine, lorsque t'as Frozen, je crois, t'as un peu de batterie aussi, trucs comme ça. Mais c'est surtout l'orchestre symphonique en fait qui est vraiment mis en valeur et dans un style totalement Broadway. Et c'est pour ça que je trouve que la musique elle est vraiment vraiment très très bien. Il n'y aurait pas eu ça, j'ai l'impression que le show était un petit peu en deçà. Après, pareil, là, on regarde les images qu'il y a sur le live. Quand tu vois ça, en fait, ça fait vraiment des scènes de Broadway. Mais tu vois, c'est ce que je te disais. Les deux gars qui sont allés chercher, c'était deux personnes de Londres. Ouais. Londres, c'est West End. C'est ça. Je pense que on a tendance à dire Broadway. Londres, c'est probablement ce qu'il y a de plus proche de Broadway, à part Broadway, quoi. Ben, de toute façon, les productions de Broadway, en général, finissent dans le West End. Voilà. Donc, Et t'as 4 ou 5 ou 6 grosses productions en continu, quoi. Et après, donc, sur le point de vue de la construction de la musique, la durée, c'est 23 minutes de spectacle. Alors, les vidéos que vous allez voir, je les ai récupérées d'un watch party diffusé par Disney en 2020, durant le Covid. Déjà, en fait, le show, lui, il est construit avec un fil conducteur. C'est donc la chanson Let the Magic Shine, qu'on entend à peu près partout. C'est un peu le leitmotiv. Oui. Ah. Tu n'es pas Alex, mais je dirais quand même le mot. Donc, une fois. Je pense que je ne le dirai qu'une fois. Ou peut-être deux, trois fois, vraiment, pour me le rappeler. Donc, en fait, ben voilà, c'est le leitmotiv du show. Dès qu'il y a la magie qui revient, dès que la lune disparaît, dès que le magicien est évoqué. La lune ? Pardon. Bon, Let the Magic Shine. Ça commence dès le début du show, avec une entrée en fanfare telle qu'on les aime chez Disney. Et juste après, la chanson est chantée très très calme. Je n'ai pas le nom de la soliste. Et donc, tu as la chanson qui est jouée juste après. Écoutez bien. Look, merde, ça va. It's there to be found. It is deep inside and all around. It's a gift that only you can bring. It's a song that your heart wants to sing. So take a breath and take a stand, and don't you be afraid. Let the magic shine. Let the magic shine. The secrets within are beginning to glow with a shimmer. Beaucoup de cœur. Let the magic shine. Let the magic shine. A twinkle of light and the shadows fade away. Okay, now let it shine. Avec un petit peu de Mickey Mousing, avec les bruits des chimes. Oui. Qui montrent un petit peu les éclairages de clochettes. Les chimes de... Oui, c'est plutôt... le clochette qui se balade, ouais. C'est ça. Un effet qui repose énormément sur l'effet de haze. Voilà. Ce qu'on appelle la haze, c'est l'espèce de brouillard ambiant que vous avez sur scène, qui donne déjà ce cachet un petit peu de l'ancien, du poussiéreux, tout ça, et qui permet aussi beaucoup de dissimuler les techniciens qui sont comme ça avec une grande perche pour les clochettes. Voilà. Et donc juste après, Mickey il arrive, et en fait la musique qu'on va entendre derrière Mickey, ça va être la même qu'on va entendre dès que dans chacune des transitions entre les différents tableaux. C'est cette musique là. Quick, Tinkerbell, he's here. Come in, Mickey. Cette musique-ci. Waouh ! C'est incroyable ! Welcome to my workshop, Mickey. Comme tu le vois, ça mérite un bon coup de balai. As you can see, it needs a good clean. Oui, monsieur le magicien, mais j'ai hâte de faire de la magie. Ah, but you can't practice your magic, Mickey, until this room is spotless. Oui, monsieur. D'accord. Cet atelier sera impeccable avant que je fasse de la magie. And one. Donc voilà, cette petite musique, on va la réentendre plusieurs fois, donc à chaque transition, c'est la même chose. Oui, oui, c'est... Ou si je vous prends la séquence après la Belle et la Bête. Et il y a toujours aussi cette petite voix, qui est une variation de Let the Magic Shine. Oui. Et cette mélodie aussi accélère au fur et à mesure du spectacle. En fait, dès que la lune disparaît, donc en gros que le temps laissé par le magicien diminue, et ben en fait, ça accélère. Oh, Mickey se rend compte que le juste reste à l'avant. Jusqu'au, Jusqu'au ballet, en fait. Oui, jusqu'au ballet. Ballet qui, donc, est tout simplement un ballet planté dans le sol et qui, on le voit se déplace mécaniquement avec un gros... En fait, c'est en dessous de la scène, t'as un gros truc, et le ballet, il tient sur un petit picot ridicule. Et donc, par contre, ça fait un boucan du diable. C'est pour ça que vous avez un gros bruit de... pour camoufler le bruit du mécanisme. Waouh, j'ai réussi! C'est moi le plus grand magicien du monde! Donc la musique a encore accéléré et devient chaotique à la fin. J'ai tout gâché. Par contre, quand la musique, quand le magicien arrive, donc pareil, il a donc son fameux leitmotiv de la magie, et là aussi au niveau du magicien, et par contre le magicien, c'est beaucoup plus calme. Je vous le promets. Good. And remember, a true magician always keeps his promises. Un vrai magicien tient toujours ses promesses. Good luck, Mickey. Ça, c'est l'aide de Magic Shine, donc c'est le fameux conducteur. Il y a aussi beaucoup de Mickey Mousing, le fameux système de une image, un son, ou un son, une image. Je faisais le conducteur. Oui, j'ai bien vu. Non, j'explique pour les gens dans le podcast. Et donc, il y a aussi donc, le Mickey Mousing, le fameux un son, une image, hein, développé par Blanche-Neige, développé par Pinocchio. Il y en a beaucoup dans la séquence, hein, par exemple. Eh bien, ici, regarde ça. Avec le chapeau. Mesdames et messieurs, voici le plus grand magicien du monde. Et pour mon premier tour, le chapeau enchanté. Maintenant. J'ai dit le chapeau enchanté. Le chapeau enchanté. Fameux chapeau. Élément très important, je trouve, du spectacle. Là, vraiment, on est du niveau les personnages de la story qui font la fête à chaque transition de Together. Après, ce qui marche plutôt bien avec ce personnage de chapeau, c'est que tu as un petit peu le côté où il permet souvent de squeezer Mickey dans les explications. Tu vois, genre. Ça permet d'accélérer un petit peu le récit, et quand à chaque fois que tu as un magicien qui arrive, qui demande, une fois sur deux, c'est le chapeau qui répond ou qui fait comprendre que oh, c'est un grand naze, et ça permet de dynamiser un petit peu. Aussi, tu sens que c'est fait quand même pour avoir un petit côté visible, vraiment les très très jeunes. Ouais, parce que le spectacle, au final, si tu arrives ce chapeau, il est quand même difficilement abordable pour les enfants. Enfin, c'est des séquences de danse, donc la musique, on disait, elle est plutôt fournie, et elle est loin de ce que les enfants peuvent entendre habituellement. C'est très impressionnant aussi. Hein. T'as la scène de La Belle et la Bête, je la trouve, pour un gosse, je me dis que ça va être assez impressionnant, parce que, tu sais, alors surtout, ça a pas mal évolué, mais maintenant, t'as surtout un cri au début, qui est, je crois pas qu'il y était tout le temps. Oui. Et après ils arrivent tous en gueulant, et puis il y a les claquettes et puis tout ça. Enfin, pareil pour vraiment, la scène de Aladdin. C'est un peu assourdissant, quoi. Ouais. C'est ouais, ça peut être facile pour les gosses. Très fourni, et puis même visuellement, en fait, ça claque de partout, hein, dans Aladdin. Il y a Aladdin, à part la séquence de la boîte, on en parlera juste après. C'est quand même assez stimulant. Hein. T'as la scène de la boîte dans Aladdin. I've been waiting for this. De Mickey Mouse. Keep watching. Okay. Moi, je trouve ça plutôt cool qu'il y ait du Mickey Mouse. Oui, non, mais ça marche bien. Ça rajoute vraiment au côté théâtral du show. Côté théâtral, et puis aussi un petit peu de liberté par rapport aux enfants. Et puis c'est très, en fait, c'est très très auditif au final. Je vais pas dire que tu vois pas l'image, tu écoutes juste la musique, tu t'imagines, enfin, tu vois le show, mais tu peux quand même facilement comprendre ce qui se passe sur scène grâce à la musique. C'est très vivant, et ça, ça a été aussi renforcé. Si, c'est une forme, je pense que c'est quand même une forme d'accessibilité, parce que si t'es lointain, la musique et les effets sonores vont t'aider aussi à comprendre la scène, même si t'arrives pas forcément à tout distinguer. Et d'ailleurs, c'est un show qui a été assez pionnier là-dessus, hein, parce que dès mai 2018, t'as eu des comédiens, c'est pas le terme, des interprètes en langue des signes qui sont venus les week-ends de début, et je crois que maintenant c'est tout le temps, pour transcrire le show en langue des signes, quoi. Ok. Oui, maintenant c'est tout le temps les week-ends. J'ai eu l'occasion une fois de faire un show pipo en face du monsieur, et tu sens en fait, et ce qui est très bien, c'est qu'il voit s'il est intégré dans le show. Ouais, ils améliorent au fur et à mesure, c'est devenu vraiment très bien. Mickey parle à ce personnage devient vraiment... Enfin, en fait, l'interprète devient vraiment un personnage à part entière dans le spectacle. Tout à fait. Dès qu'ils peuvent l'intégrer, ils le font. On commence par le premier tableau. Ben, vas-y, lui, vas-y. Qui peut être un petit peu surprenant. Tu vois, Cendrillon, c'est pas le personnage qu'on voit le plus souvent... Surtout Marraine la Bonne Fée, quoi. Plus Marraine la Bonne Fée, surtout. Vraiment une licence des années 50... Quand on parle de magie, on pense principalement à elle. Ah bah, c'est une des figures de proue, tout à fait. Alors, ce qui est plutôt cool, c'est que la chanson, l'accompagnement d'entrée de la bonne fée est très inspiré du film. Waouh ! La marraine, la bonne fée ! Oh my, now where did I put that magic wand ? Il y a ce côté un petit peu... Il y a aussi dedans, dans le jeu. Je le cherchais pas tout. Il y a une légèreté qu'on retrouve facilement avec Marraine la Bonne Fée, avec les souris, dans son rire. Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais dire, ça fait penser à Gus Gus et machin. Mais un jour, j'espère devenir un grand magicien. Well, it sounds like you just... Et juste après, t'as. Alors, la Marraine la Bonne Fée arrive avec une petite variation de Bobby Diva Odibou. Glockenspiel. Glockenspiel qui en allemand veut dire le jeu de cloche, donc c'est des petites clochettes. Je vais t'en mettre la séquence juste à la fin. Voilà. C'est très bref. Hein. Ah, le petit. Ouais. Les... Ok. Ça, c'est juste pour montrer que la main de la bonne fée est arrivée. Et après, donc, t'as la chanson Bobby Boo qui arrive. Dans un style totalement de Broadway, je trouve. Est-ce que tu peux essayer de le dire correctement pour voir Bobby Boo? Non, c'est Bibi. C'est Bibi Bobby Boo. Trop difficile. Bravo. Salagadou, la menchikabou, la bibidi bobidi boo. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi bobidi boo. Salagadou, la menchikabou, la bibidi bobidi boo. C'est de la magie que je ne connais pas. Oh! Bibidi bobidi boo, ça la gadoula vous dire. La menche qu'a scoopy doo, mais les toki babou, ma doo légume, c'est bibidi bobidi boo. Ça la gadoula, menche qu'a boo, la bibidi bobidi boo. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi bobidi boo. Ouais, je trouve qu'il y a vraiment un style un peu de Broadway là-dedans, qui s'installe. Oui. C'est un bel arrangement qui change vraiment la version originale du film. Je trouve que l'arrivée de la bonne fée dans le show, c'est le premier vrai élément dynamique. Jusque-là, on était vraiment sur de l'exposition, de la mise en place des personnages, du chapeau, du magicien, de Mickey. Et t'as la bonne fée qui arrive et qui, en fait, très simplement, justement, en fait, limite, ce que tu vas le plus entendre comme musique à ce moment-là, ça va être les applaudissements. Mmh. En fait, parce que c'est une musique hyper rythmée que tout le monde connaît, que tes grands-parents connaissent. Ouais. Et du coup, bah, forcément, très vite, ça chauffe la salle et ça marche très bien. C'est vraiment pour investir le public dans le show. Alors qu'avant, finalement, le public n'était juste que spectateur, ouais, avec une discussion entre Mickey le magicien et Mickey le chapeau. Mais c'est vrai que c'est important de mentionner le fait qu'il y ait Cendrillon, qui est quand même une licence, c'est pas du tout la licence qu'on voit le plus dans les spectacles. Et pourtant, dans les années 50, bah, on a tendance à penser à La Belle au Bois dormant parce qu'il y a les châteaux et machin. Mais en réalité, Cendrillon est bien plus populaire et je pense que Cendrillon a même été bien plus populaire que Blanche-Neige. Le problème de Cendrillon, c'est que c'est une Disney princesse. Donc en fait, tu ne mets pas en valeur Cendrillon, tu mets en valeur les princesses Disney en général. C'est vrai. Ce qui fait que elle est mélangée parmi la masse des princesses qu'on aime bien mettre en valeur. Parce qu'au final, quelle princesse est vraiment mise en valeur sur un show à Disneyland Paris, par exemple? Celles des années 90 sont un peu plus mises en valeur généralement. Et puis je compte la petite sirène dedans, mais. Ouais. Et en fait, les récentes, c'est juste les vieilles entre guillemets qui sont rarement. C'est ça. Rarement, mise en avant. Et d'ailleurs, on parle des princesses, mais finalement, c'est la bonne fée là. C'est même pas directement Cendrillon. Alors, pareil pour la séquence de La Belle et la Bête. Au final, c'est Lumière et c'est. Ça, c'est habituel, mais oui. C'est pas vrai qu'il est mis en valeur. Et après, t'as une jolie transition qui mène vers une Valaisannoise qui rappelle sur A Dream Is a Wish. Say them with me now, my dear. Avec moi. Bibidi, Bobidi, Boo! Oh, wow! Cendrillon! Ah. Il y a un don de préscience, Mickey. Mais j'ai pas vu le film, je connaissais pas. Effectivement, c'est vrai que dans sa tenue, tout ça, c'est plutôt celle du film, je crois. En tout cas, la coiffure, tout ça. Je suis pas expert, mais j'ai même pas vu le film. Mais... moment qui se remet un peu pour laisser passer Marina Bonnefée. Le décor qui s'écarte. Come back, dear boy. And remember, my dear, have faith in your dreams and you'll find what you seek. The magic that lives within. C'est vraiment excellent du début à la fin. C'est super dynamique. Ils t'ont ramené deux personnages. Ils t'ont amené le premier vrai tour de magie. Moi, je suis épaté par cette mise en bouche quand même. C'est incroyable. Ça pose vraiment ce que va être le show durant là maintenant environ 15-18 minutes. Cette version, ça me rappelle beaucoup une autre version de la chanson de Cendrillon qu'on avait eu pour comment ça s'appelle, pour une des parades Disney. Alors je vais te remettre la version. Un peu dans le même style, tu vois. Valaisannoise. Oui, carrément. Qui gère plutôt bien. Et je vais laisser les sons parce que je pourrais parler par-dessus. Et donc voilà. C'était la séquence de Cendrillon qui, comme on disait, en impose vraiment, annonce ce que va être le show durant les tableaux suivants. Oui et non, on en reparlera avec Frozen. Ensuite, juste après la séquence Cendrillon, on a la séquence de La Belle et la Bête, avec le même type de voiture renvoi qu'on a eu en début du show. Oui, tout à fait. Lumière, come quickly, we must prepare the banquet. De quel banquet parlez-vous? Qu'est-ce qui se passe? La scène a vraiment changé 800 fois, c'est incroyable. Enfin, tu la vois aujourd'hui, c'est méconnaissable par rapport à ce que c'est maintenant. C'est quand même formidable. Donc voilà, non, c'est totalement Broadway. Mélange des deux versions, alors c'est vraiment au niveau de la musique, au niveau de la partition en elle-même, de la mélodie, on reprend la version du film, mais l'orchestration reprend la version de Broadway. Et en plein milieu, t'as une version avec une valse. Et dans le style de Broadway, à Broadway, t'as la chanson qui est faite en tango, et bien ici, elle est faite en valse. Et la vallée, bien sûr, ça rappelle quoi? Ça rappelle la France. Et Mickey, t'as le cœur aussi, t'as... comme souvent. Alors, je sais jamais à quel point c'est dans le film ou pas, parce que voilà, à force d'entendre les versions réarrangées pour les parcs, mais la dérive sur le French Cancan. Oui, juste, bah, j'allais en parler juste après. Et allez. Je sais pas. Ouais, ouais. Après. Ça, c'est le French Cancan. Ah, même avant, il a lancé le. Alors, ça, c'est vraiment le French Cancan. Parce qu'avant, en fait, la reprise, c'est toujours dans le système, tu sais, tu repars très lentement pour accélérer. Ça, c'est un style vraiment Alan Menken. Il aime bien faire ça durant ses chansons, parce que t'as de la fête. Il fait ça avec le Charivari, il a fait ça aussi avec Friends Like Me. Et ben, tiens, en comparaison, tu vois, par rapport au French Cancan. Ah merde, pardon. Ah, je l'ai pas mis aussi, excuse-moi. Oh là là, ouais, oh là, là on a disparu. Je la remets, c'est vraiment la même chose. Après, tu vois, tu dis, dans toutes les versions, on ne sait plus laquelle. Je crois que le French Cancan est réutilisé, tu vois, dans Disney Dreams. Dans Dreams, tu as le French Cancan. Ouais. Ouais, tu sens que la Belle et la Bête, c'est vraiment sur les aspects... bon, ouais, les Français, ils aiment quoi? La bouffe, le French Cancan. Avec la France, on fait... Et après, t'as la version de La Belle et la Bête, la version du film. C'est un arrangement de la version du film. L'histoire éternelle. Il n'y a rien de bien fou sur le point de vue de l'orchestration, sur le point de vue de l'arrangement et du style. Il manque juste Lucie Dolène. See, my friend, true magic lives in our hearts. Mwah, magnifique. Et voilà. Effectivement, la salle de bal dans le grenier d'un vieux gars. T'es fan. Mais le grenier qui se situe à Paris. Et d'ailleurs, le grenier se situe à Paris. Moi, tu vois, pour l'instant, le grenier se situe à Paris. Il se situe même 19e siècle et avec des références très appuyées à Méliès. Voilà. D'accord. Alors moi, je voulais juste revenir vite fait, parce qu'il est important de le mentionner. La présence de la bête en tant que bête, c'est pas quelque chose qui est si fréquent que ça. Et faut aussi savoir que c'est une machinerie de malade, en fait, pour avoir ce personnage-là. C'est littéralement un robot qui habille un mec, quoi. Enfin, je caricature, mais c'est l'idée, quoi. T'es vraiment sur harnais et tout ça, et t'as le truc qui vient sur toi, en fait, le costume qui vient sur toi. Donc c'est pareil, c'est quelque chose de très très très lourd. C'est une grosse machinerie, c'est plein de trucs. Faut vraiment pas sous-estimer ce genre d'effet. Et c'est pas pour rien, en fait, que t'as une scène juste à la fin avec juste Belle et la Bête pour bien mettre en avant les deux personnages et les costumes. Tout à la fin du show, je crois. Maintenant, il revient. Avant, il revenait pas. Avant, il revenait pas à la Bête. Il n'était pas dans le final. Mais étrange, enfin, oui, je peux comprendre que vu que c'est fatigant, mais pas trop souvent. Durant la période des 100 ans, je crois qu'elle était là, la bête. Puis j'avais eu aussi l'occasion de le voir quand j'étais gamin. Mais peut-être que si le personnage était moins lourd, alors c'est un personnage moins compliqué. Je sais pas si c'est le même, ouais. Ouais. Pour faire la transition avec la séquence d'après, avec le côté un peu amusant avec le chapeau, et donc aussi la petite voix qui annonce que la lune disparaît au fur et à mesure, t'as une dernière version de La Belle et la Bête en version valse beaucoup plus légère. La lune très mouillée. Oui. Oui, je sais, j'ai entendu ce qu'il m'a dit. Cher balai, tendre balai, mon balai préféré. La vraie magie vit dans nos cœurs. How is it going up there, Mickey? Super, génial, presque terminé. Et c'est comme ça que se termine la séquence. C'est comme ça que se termine donc la séquence de La Belle et la Bête. Après la Belle et la Bête, on a la séquence que moi je conteste le plus parce que elle est où la magie là-dedans? C'est quand même un peu pété. C'est la séquence du Roi Lion qui est annoncée avec des marimbas. Alors, on a la magie qui disparaît, la lune qui disparaît. Je dois me remettre au travail. Le thème de Mickey qui accélère toujours un petit peu plus et qui se raccourcit aussi. Et d'un coup, du marimba. Et le marimba, je crois que ça fait africain. J'ai pas compris pourquoi. C'est un petit peu stéréotypé. Et donc t'as ces percussions. Et donc tout à coup, t'as Rafiki qui se pointe. Une Rafiki. Une Rafiki, oui. Mama Kiki Baba. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? The question is, who are you? Na Tsegonia. La séquence dure environ 4 minutes. Là, on est sur la version Broadway. Parce que les chœurs derrière, c'est aussi présent dans la version de la comédie musicale. Donc ça n'a pas été réenregistré, ça? Pour la séquence, là? Ouais. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, l'arrangement est même que pour le show. D'ailleurs, le show était enregistré, enfin, la bande-son était enregistrée, bien sûr, à Abbey Road. Tu l'as peut-être dit. Pardon. Non, je ne crois pas. Non, mais bon, comme d'hab, de toute façon. Souvent, c'est Abbey Road. Oui. Abbey Road. c'est là où il y a l'abbé Pierre. Oui, donc tu disais, c'est une Rafiki femme. Faut savoir qu'en fait, les deux seules versions masculines de Rafiki, c'est dans la version originale du film, chantée par les bohèmes. Non, c'est le calling, pardon. Le calling est masculin dans la version du film avec un dessin animé avec les bohèmes et aussi dans le show à Disneyland Paris, le spectacle du Roi Lion qu'on a actuellement. Ce sont les deux seules fois où ce sont des hommes qui ont fait le calling de Circle of Life. Voilà, la version, je vous dis, c'est très très Broadway, même sur le point de vue visuel, je vais. Oui, oui, non, mais là, c'est... Enfin, quand tu l'as vu à Mogador, ok. Pas besoin d'aller à Broadway, hein. Vraiment, Mogador, tu comprends. Y a plus de... Alors, c'est la même chose avec plus d'animaux, une scène plus petite. Donc, forcément, une impression de remplissage bien plus réussie, je trouve. C'est assez difficile de revenir à la scène de Mickey le Magicien quand t'as vu la version Broadway, je trouve, pour le Roi Lion, en tout cas. Ouais. Malgré toutes ses qualités, bah, en fait... T'as un peu ta persistance rétinienne de la version Mogador qui est là. Tu dis, ah ouais, tu vois, enfin là, t'as l'impression que la scène, elle est blindée, en fait. Et du monde, hein. Ça se voit sur le alors qu'en réalité, forcément 5 fois plus de gens. C'est juste que comme la scène est... En tout cas, à Mogador, la scène étant plus petite, ouais. Bah, ça donne tout de suite une impression beaucoup plus chargée. Et je pense que t'as un peu plus de gens quand même. Et du coup, bah oui. C'est incomparable. Est-ce que c'est le mot? Est-ce que tu veux lancer le débat sur la scène Roi Lion maintenant ou tu veux faire ça plus tard? On va lancer maintenant. Ok. Alors déjà, elle a pas mal évolué. Tu sens qu'ils sont un peu emmerdés avec, qu'ils savent pas quand tu fais venir le Pride Rock. Est-ce que tu le fais venir au début? Est-ce ouais. que tu le fais venir à la fin? Quand tu le fais venir, parce que là ils ont rechangé. Il y a eu toute une période en fait où t'avais Rafiki qui sortait de scène et qui revenait sur le Pride Rock. Maintenant, je crois que c'est plus ça, mais du coup, maintenant, il limite sa sortie pour la montée sur Pride Rock. C'est pour ça que je crois que c'est maintenant hein, que le rocher arrive dès le début. Non, il est là très tôt maintenant, ouais. Oui. Et du coup, je trouve que ça fait un manque cruel de progression dans la scène. C'est très très long. Le climax arrive dès le début de la scène, quoi. Puis après, du coup, ça vivote beaucoup, quoi. Une fois que t'as passé le côté, bah, le chant au début et tout ça, bah. Je sais plus trop quoi. Enfin, tu regardes les animaux autour, mais bon, c'est un peu long quoi. Enfin, bien sûr, ça reste relatif. Hein. C'est une très bonne scène, mais voilà, c'est un peu longué. Puis surtout, la question majeure, c'est scénaristiquement, ça n'a aucun sens. C'est Mickey, le magicien. Alors certes, Rafiki est un petit peu un magicien parce qu'il arrive à voir. Vite fait, chaman, mais ouais. Et est-ce que chaman, vaudou, est-ce que le vaudou c'est de la magie? En réalité, si c'était du vaudou assumé à la Docteur Facilier, limite, je trouve ça plus cohérent, tu vois. Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que Facilier est vraiment dans ce délire-là. Il fait revenir les morts et puis ben, il se transforme quand même en humain, en magicien, en grenouille, pardon. Oui. Bah oui, donc t'as vraiment le côté magie un peu traditionnel, comme on l'entend, qui est certes une vision un peu occidentale du truc, mais après le show est dans tout ce décorum-là, quoi. Ouais. Donc, je sais pas. Moi, je trouve que c'est pas forcément le truc le plus adapté. Que, en plus, oui, Rafiki, tu le vois pas du tout faire de magie, en fait, dans la scène. Non, en plus, aucunement... ça aide pas, quoi. Et puis en fait, je viens de te dire, il y a pas de magie du tout dans la scène. Il fait non. tourner son diaporama et puis d'un coup, il se pointe. Donc il a... Zotrope. Ouais. Merci. Je cherche le mot. Ça toupie. Mais, ça toupie avec des dessins, là. Et des trous. Ouais, on a un objet enchanté qui fait la fête et un sage vaudou qui monte sur un rocher. Mais en fait, l'objet enchanté, il est magique. Enfin, il a été... La magie, c'est la chanson. La magie est en lui, en fait. Oui. En lui. Mais la bête, c'est vraiment de la magie. Alors que là, bah, au final, ouais, c'est un chaman. Ouais, mais c'est pas du tout mis en avant, en fait. C'est ça mon souci. Alors que Lumière, c'est une marionnette, c'est. C'est littéralement un chandelier qui bouge, donc c'est magique. Là, en fait, on est vraiment. Alors, après, on dit ça, mais au final, La Belle et la Bête, pendant un temps, même à l'époque de Mickey Magicien, était quand même beaucoup mis en valeur dans. Ah, mais ça l'est énormément aussi. C'est juste que. C'est encore son film magique, c'est encore son Disney Dreams. Je pense qu'il n'y aurait pas, le show d'une demi-heure sur le Roi Lion, on pourrait parler tout autant des autres, mais là, comme tu as un show d'une demi-heure sur le Roi Lion, ça appuie vraiment le fait que c'est bon. Ouais, voilà, je trouve que la séquence est un petit peu longue. Alors, au niveau du rythme, c'est quand même assez reposant cette séquence-là. Parce que ben, juste avant, t'as La Belle et la Bête, où la séquence est très très rythmée. Juste après, t'as Aladdin, où la séquence, ben, on va le voir juste après, c'est aussi rythmé. Là, il y a vraiment un moment un peu plus de calme. Mais, c'est un peu creux, je trouve, un peu. Ouais. Ouais, ça fait un creux parce que tu redescends un petit peu. Moi, j'ai souvent un moment où je commence à avoir une petite absence. Et puis, en fait, il y a ce problème le aussi. Le début est très très bien, mais ouais, arrivé à 2-3 minutes, bah, il y a ce plateau, ce qu'on disait. La séquence, elle fait 4 minutes. En fait, je pense qu'ils auraient pu durer un couplet ou un reflin ou un refrain. Pour, ah, mais le truc, c'est que tu fais venir 30 mecs en costume et tout ça. Ouais, si c'est un petit peu chier. Et puis surtout qu'après, ben, t'as la séquence de transition qui, elle aussi, casse le rythme. Elle a un petit peu. Waouh, tu as vu tous ces animaux? T'as le retour du marimba du début de la séquence. Allez, on joue aux devinettes. Oh, mais c'est What? Je sais, une grenouille. Oh, c'est trop facile. Oh, mais j'ai vraiment eu peur la première fois que j'ai vu le show quand on est arrivé à ce passage-là. Oh. Allez, je t'en prends en stress. Girafe. Tata. Autruche? Oh, si vous avez mettre de, si vous avez mettre de l'intervention. Bon, ouais, là, je ne sais pas. Ah, un lion. Bravo. C'est Dora l'exploratrice. Non, mais en soi, aujourd'hui, on l'a tellement vu qu'on a une forme d'affection, mais c'est vrai que c'est pas terrible, quoi. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que le départ de Rafiki relance un petit peu la machine avec le King of Pride Land, qui en fait, c'est la même construction qu'à la fin du film. À la fin du film, t'as Circle of Life, puis King of Pride Land pour le générique de fin. Ouais. Ouais, t'as la même chose. D'un coup, t'as ça. Suis ton chemin, crois en ton destin. J'aime beaucoup cette musique. Ouh, ça c'est très très bien. On rappelle que la meilleure musique du Roi Lion sont celles qui sont pas chantées. Pas chantées. Ou alors par le bohème. Mais pas les autres, en fait. On s'en fout des chansons. Mais, ouais, et... Relatif, hein. Ça va quand même. Mais ça pourrait être pire. Mais, ouais, donc voilà. Moi, j'ai... Après, sur le point de vue de l'orchestration et des arrangements, c'est pareil. Hein. Il n'y a rien de bien fou. C'est la même construction musicale. Il n'y a pas de réel changement, tu vois, comme dans une valse qui arrive dans Beware Guest ou on verra juste après dans Aladdin avec les claquettes. Ouais, Aladdin. Mais du coup, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer à la place du Roi Lion? Merlin l'Enchanteur, Mary Poppins, Facilier, pourquoi pas rajouter un méchant, ça pourrait être intéressant aussi. Facilier, ça pourrait... Tu sais, ouais. Voir Mickey se faire un peu piéger, dire « Ah non, mais attention, la magie ne peut pas forcément résoudre tous les problèmes » ou un truc comme ça, tu vois. Enfin... Ça, et je trouve que juste après la séquence d'Aladin, tu vois, tu mets un facilier Aladin. Aladin, tout de suite, ramène beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de rythme et d'amusement. Et oui, comme dit FFPA Fan, il n'y a pas que de la bonne magie, en fait. Facilier pourrait dire « Il n'y a pas que de la bonne magie, il y a aussi la magie noire. » Ça pourrait être intéressant, ouais. Je trouve que ça serait bien, mais ils ont tellement du mal à mettre en avant leurs méchants que... Ouais. Ouais. Pourquoi ce studio, ouais, c'est vrai que Facilier, c'est le bon personnage, la reine de Blanche-Neige, pourrait pas être mal aussi. Et si tu veux faire très Disney, en réalité, tu peux aussi justifier Encanto. Oui. Tu pourrais très bien mettre Encanto. Oui. Après, ce sera encore un coup à voir, ne parlons pas de Bruno. Oui, on sait, l'Emmanuel Miranda, voilà... Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oh, ouais, il y aurait un rap sur scène, c'est bon. Attends, je te parle de Broadway, les artistes, tout ça, et puis d'un coup, je fais quoi? Du rap. Ah, génial. Miranda, il est bien mieux qu'à Alan Menken. Non, non. Il est où? Où est-ce qu'il est, l'Emmanuel Miranda, dans ce spectacle? Nulle part. Alors que là, tu vois, t'as deux séquences de Alan Menken. Mais... Ouais, non, tu peux t'imaginer ça, tu peux imaginer peut-être un Mary Poppins à la place. Ouais, aussi, ouais, mais... Alors, je me demande si Mary Poppins, ça fait pas un peu doublon avec la Marraine la Bonne Fée en termes de public cible. Moi, j'adore, hein, mais ouais. Je sais pas ouais. Si... Je vois ce que tu veux dire. Je sais pas si... Ouais, je sais pas si les enfants, tu sais, seraient pas un peu... Oh. Bah, en fait, une Mary Poppins permettrait de... Mary Poppins pourrait être à la place d'une Marraine de la Bonne Fée tout court. Je pense une séquence de super. Ah oh ouais, mais non, mais la ou alors une, Cendrillon, ça marche très bien. Je vois pas pourquoi t'y échanger en fait. Tu veux ça au début et puis c'est très très bien aussi. Ouais, mais comme Cendrillon marche, ça je vois pas pourquoi changer. Tu vois, autant le Roi Lion pour moi, il y a matière à progresser. Et puis Mary Poppins, tu peux aussi imaginer un grand numéro. Tu peux mettre des claquettes, tu peux mettre les ramoneurs, tu peux mettre des animaux un peu farfelus pour refaire le carrousel ou un truc comme ça, tu vois. T'as pas mal de licences artistiques pour faire du Mary Poppins, je trouve. Ouais. Tu peux même te baser sur le deuxième qui a de chouettes musiques avec Lin-Manuel Miranda. Non, mais c'est pas lui qui a fait. Il a chanté, il a pas composé. Je suis rendu compte en 10 ans. Bon, je trouve vraiment que la meilleure chanson du 2, et c'est celle qui est interprétée par Lee. Ah, Royal Dalton Musical La chanson dans la nursery? Non, celle où est-ce qu'il allume les... Ah oui. Bougies. Ok, ouais. Et la meilleure séquence musicale de Mary Poppins, le deuxième, c'est vraiment le moment où est-ce que tu entends le thème de Mary Poppins du premier. lorsqu'elle descend. Oh, je te trouve dur. Je trouve le deuxième, je trouve qu'il a, au niveau des musiques, il est très bien. Mais moi, je trouve le deuxième est bien. C'est un bon film, c'est juste que. En fait, le problème, l'aspect c'est que le premier narratif, est tellement monstrueux que. Oui, et puis l'aspect narratif rajouté entre les différents tableaux, parfois, et en fait, il est très actuel, mais il n'est pas du tout dans le style d'avant. Ouais. Et voilà. Non, on ne mettra pas Frère des ours, parce que tout le monde s'en fout. La petite sirène, putain, le problème, c'est que c'est un peu. La séquence de la transformation sur Frère des ours, ça serait incroyable, avec les cœurs de femmes vulgaires. Il n'y a personne qui saurait ce que c'est. Non, mais c'est incroyable avec le cap de Mega. Un tarama chaudron magique. Let's go, on fait ça. Là, c'est pour ça que tu seras jamais invité à aller voir les Imagineurs à Glendale comme Tim. Attends, est-ce que Beauty du Sud pourrait passer dans l'équipe magicien pour passer. Non. Il n'y a même pas de magie du tout. Non. Et voilà. Juste après, donc, t'as la séquence d'Aladin qui arrive. Wow, does it feel good to be out of there? Le performer de cette version-là. Oh, you know? Très, très bon. It's the kid who wants to be a great magician. C'est le petit gars qui veut devenir plus grave que ceux qu'on a ces derniers temps. Même par Thierry Gondé, qui était le premier génie qui est Carl Van Orsay. La magie, c'est ma spécialité. You came to the right lamp. Meet your new best friend. Et là, on est sur une version vraiment très très très proche de Broadway. De toute façon, il y a une façon assez simple de savoir si c'est Broadway ou pas. C'est de regarder le film live. Et tu remarques que le film live, ça ressemble beaucoup à Mickey le Magicien, parce que probablement que le film live s'est énormément inspiré de Broadway aussi. Oui. Et donc, voilà. Je pense qu'Alan Menken, durant son travail d'arrangement pour le film live, a dû vraiment prendre le meilleur de ce qu'il a pu faire. De toute façon, je suis désolé, un peu plus rapidement. Je trouve la musique d'Aladin pas si ouf que ça. Ah ouais! Ouais. La musique du dessin animé, son point de vue orchestral, c'est très calme, c'est très mou. Ça redescend rapidement. De toute façon, il suffit de voir aussi, lorsque tu regardes l'album, les pistes sont très très courtes. Et il y a beaucoup de silence. Il y a un utilisateur anonyme dans le chat qui demande si ta daronne est ouf. Mais non, je trouve pas les musiques du dessin animé d'Aladin vraiment si exceptionnelles que ça. Tu différencies aussi beaucoup les musiques des chansons là. Oh, les deux, même les chansons font très très pop. Alors, il y a eu Nuit d'Arabie. Voilà, Nuit d'Arabie est très bien et Je vole est très bien. Ce sont les deux chansons qui sont très bien. Ah, mais c'est vraiment les deux. Oh. Ok. J'ai compris, Maxime. C'est un fait. Howard Ashman avait commencé à travailler sur Aladdin. Malheureusement, il est mort en 91. 2 sur 4, non, il y en a 6, je crois, je pense en tout. Mais Howard Ashman est mort en 91. Il avait commencé à travailler sur Aladdin. Il avait écrit donc, la chanson Nuit d'Arabie. Il avait aussi écrit la chanson Je vole. Il avait aussi Proud of Your Boy qu'on retrouve dans la comédie musicale. Chanson de la mère, je crois, ouais. Oui, c'est ça. Où Aladdin, en gros, pleure sa mère. Et en fait, l'alchimie Ashman-Menken, c'est Ashman qui a fait venir Menken à Disney. Oui. L'alchimie Ashman-Menken, elle est très très forte. Et le problème, c'est qu'après, il y a Tim Rice qui est arrivé. Je ne sais plus, je crois que c'est peut-être Menken qui a dû faire venir Tim Rice. Mais Tim Rice, c'est un compositeur du West End, principalement. Donc c'est un Anglais. Et lui, il était surtout chanson pop. C'est lui, par exemple, qui a travaillé avec Elton John l'année d'après sur les musiques du Roi Lion. Et en fait, tu sens que l'inspiration pop de Tim Rice, tu sens aussi que Menken, ben, il est en deçà de ce qu'il a pu faire pour la Belle et la Bête, parce que la Belle et la Bête, c'est quand même du gros niveau. Hein. Et ben, en fait, tu sens que l'inspiration Ashman, elle est plus là. Et puis, tu vois, juste après, ben, les films que Menken a fait, c'est Pocahontas, c'est Le Bossu Notre-Dame, c'est Schwartz qui l'a fait, c'est pas Rice, et ben, tout de suite, t'as une nouvelle dynamique qui est là. Ouais. Alors, je dois quand même signifier aux gens qui écoutent ce podcast que tu te fais incendier comme jamais dans le chat, que dire par exemple que Prince Ali se rêve bleu ou que je suis ton meilleur ami, c'est pas bien, faut être un sacré chapeau à prout. Mais après, alors, autant je suis un peu d'accord, dire que c'est pas bien, faut quand même être une mauvaise personne. Après, là où je te rejoins, c'est que c'est vrai que quand t'écoutes, c'est quand même beaucoup plus pop. C'est beaucoup plus pop, et puis... Maintenant, justement, hein, Prince Ali ou ton meilleur ami, enfin, Prince Ali, justement, ça fait partie de ces chansons qu'on n'entend pas assez dans les parcs, d'ailleurs, et qui sont excellentes. Tu peux pas dire que c'est pas mauvais. Je trouve qu'elles ont été bien mieux travaillées dans les versions à Broadway. Ne vous inquiétez pas, il a un avis, voilà, on connaît, on rappelle, il a pas aimé Indiana Jones Adventure non plus, hein, donc... Et juste après, t'as la version Broadway qui continue avec la séquence des claquettes. La séquence des claquettes, c'est la séquence numéro 25 et 26. Are you getting it, kid? Magic's about making friends and making them happy. Oui, compris. So tell me now, monsieur, have a wish or two or three. I'm on that job, you big nabob. You ain't never had a friend like me. Showtime. J'aime bien cette arrivée. Le côté jazz est vraiment top. Hein. Ça, c'est vraiment pompé à Broadway. Et c'est dans le film aussi, hein, un peu de jazz. C'est ça plutôt pour le film. Pardon. Avec le duel garçon. Maintenant, on peut être un peu contestable. Ouais. Alors, un peu contestable, c'est un mécanisme. C'est très maladroit. Surtout quand on voit l'alignement de Disney sur ces questions. Je suis désolé, c'est totalement hors ton en fait. Donc pourquoi je dis ça, j'explique quand même au cas où. C'est que t'as vraiment ce côté, les filles d'un côté, les garçons de l'autre, les garçons en bleu, les filles en rose. Bon. C'est plutôt. C'est plus trop la politique actuelle. Je sais pas trop comment on a envie de réfléchir aujourd'hui, quoi. Et en comparaison, la version de le catalogue jouer club, comme dit Nagla, ouais, c'est bien résumé. Tu nous parlais dans un des derniers podcasts de Good Morning America. Ouais. Et ben, ils ont fait une petite captation de cette séquence-là à Broadway. Can your friends do that? Can your friends do tap? Hey, kid, can you tap dance? No. You can now. Get up, y'all! Ils ont coupé. Ah, ils ont coupé le passage. Ils ont coupé une petite partie pour parce que la musique fait 7 séquences, 7 minutes je crois, et là elle fait 4 minutes en tout. La séquence faisait 4 minutes. Et puis à la fin, bien sûr, on repart plus lentement et ça remonte tout doucement comme c'est le faire à la American Pie partout pour conclure ces musiques. D'accord. C'est vrai que ça ressemble énormément oui. Même en niveau des chorégraphies ça ressemble énormément à ce qu'on a à Paris. La pyro sur scène. Oui, oui, bah. C'est faisable. Mais tu vois, quand je vois ça, je trouve vraiment que sur Mickey le Magicien, on a quand même la chance d'avoir de très beaux décors aussi, qui changent énormément d'une scène à l'autre. Et je trouve ça incroyable à quel point ils ont réussi à faire un truc qui marche et souvent à l'améliorer au fur et à mesure. Alors, il y a des trucs, je suis pas toujours hyper fan, genre sur La Belle et la Bête notamment. Je suis pas toujours convaincu, mais. Ouais, sur La Belle et la Bête au fur et à mesure. Enfin, au fur et à mesure, en fait, je trouve qu'en fait, ben, les décors, c'est les écrans derrière. C'est ouais, c'est ça. On a vraiment plus d'écrans, mais moins de props. Tout à fait. C'est dommage. Je pense qu'il doit y avoir un peu d'aspect technique là-dessus. Peut-être de maniabilité. Des props lourds, ou alors trop de props, ou trop de trucs qui sont gérables. Et pareil, du coup, gros travail sur la lumière. On revient sur le boulot de Tim Lutkin, hein, mais sur la séquence Aladdin, c'est fou. Hein. De toute façon, je suis pas contre l'idée de garder le bleu et le rose. Hein. Je serais pour justement mélanger, avoir des femmes en bleu et des hommes en rose, et les deux, on s'en fout. Très bien, non, oui, tout à fait. Et comme ça, tu gardes les couleurs qui renvoient justement à Nuit d'Arabie, qui renvoient vraiment à la direction artistique du film d'animation qui est très dans les couleurs mauves, donc ça marche très très bien. Et juste après Aladdin, on retombe sur une séquence beaucoup plus calme, alors qui pareil serait beaucoup plus calme à ce moment-là. Tu me disais tout à l'heure quand on préparait le live, ce serait pour un des aspects de technique pour les danseurs, pour qu'ils aient le temps de souffler un petit peu et puis de se changer. Bah, de toute façon, tu le vois, il y a quand même les séquences, t'as quand même pas mal de séquences qui essaient de casser le rythme dans Mickey le Magicien, où tu te retrouves avec juste Mickey, le chapeau et tout ça. Ces scènes-là, elles servent... La longueur de la transition entre le Roi Lion et Aladdin. Les mecs, ils sont tous habillés en animaux, d'un coup, ils doivent revenir... Et puis juste après, ils sont habillés en danseurs, enfin danseurs d'un style oriental. Enfin, c'est fou. Non, non. Non, non, mais c'est sûr que c'est... Il faut qu'ils aillent très vite. Et ils changent plusieurs fois et le show, il est pas si long. Et quand tu regardes le nombre de fois qu'ils doivent changer de costume, arriver sur scène, danser, ouais. Ensuite ils retournent en coulisses, ils rechangent de costume. Ils sont rincés. J'ai eu des avis des fois sur les performers en fin de journée. Ils sont éclatés. En plus, t'as quoi? T'as 5 shows, je crois, par jour. Oui. Plus 1 en privé. Une répétition le matin. 6 shows par jour. Faut les faire quand même. T'as la séquence Frozen. Alors. Peut-être que c'est une séquence un peu plus calme, mais j'ai l'impression aussi que c'est une séquence qu'on a un peu imposée, qui est un petit peu là parce que Frozen c'était l'élément phare de l'époque. Après, on est quand même en 2016. Hein, ils ont eu le temps de préparer quelque chose. C'est pas en urgence. Hein. Frozen c'est fin 2013. Bon, ils ont eu deux ans et demi pour préparer un truc. Alors ok. Alors, moi, je reprends ce qu'on m'avait dit durant une des interviews. C'est une musique, on peut commencer à la changer à partir du moment où elle est vraiment rentrée dans l'inconscient collectif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ta chanson de base, tu la connais bien, enfin, tout le monde la connaît commercialement, en plus Disney fait en sorte à ce qu'elle soit connue, tu peux commencer à en faire des arrangements, à la travailler autrement dans tes différents spectacles. Frozen, c'est comme tu dis, fin 2013, la chanson, elle a été surexploitée, elle est encore surexploitée, même dans les shows. Elle n'est pas surexploitée, elle a surcartonné avant de surexploiter. Attends, si t'es encore fin 2013, début 2014, t'es sur un phénomène comme on n'a pas eu depuis... Il y a peut-être eu Bruno depuis, mais c'est le seul truc comparable. Et la différence, c'est que Frozen, le film aussi, a cartonné, alors que Bruno, le film, c'est moins évident, quoi. Ça a mis du temps. Merci TikTok pour ça. Mais, voilà. Mais en fait, même toutes les chansons de Frozen en général sont quand même très connues. Tout le monde les connaît. Donc, fin 2013, début 2014, là, t'es mi-2016. Est-ce que la chanson est... On la comprend, on la connaît, on sait comment elle est construite, tout ça. Donc tu peux commencer un petit peu à la changer. Et pourtant, quand tu écoutes la version de En été d'Olaf... Alors attends, je vais avancer un petit peu. Ok. Oh, et un jour, je deviendrai le plus grand magicien du monde. Et bien en fait, c'est la même version. Dès que j'aurai trouvé ma magie. Oui, ça m'étonne pas. Wow. I love magic. Il n'y a rien de révolutionnaire en fait sur cette version de En été. C'était réenregistré, c'est tout, quoi, histoire d'avoir le même son. Et... Ouais. Et juste après, t'as la version du couronnement. Oh, qui est-ce? That's Elsa, Queen Elsa. Isn't she amazing? Hello, Olaf. Who is your new friend? This is Mickey. He wants to be a magician, but he can't find his magic. Don't worry, Mickey. I understand. C'est la même version. I discovered that magic lives inside all of us. We just need the courage to share it with those we love. Ouais, c'est... Nous avons juste la magie en nous. Il faut juste avoir le courage de la partager avec ceux qu'on... Mais tu sens que c'est vraiment le moment où on s'est dit, bah vas-y, si on arrive à avoir un Olaf, c'est une réussite, en fait, parce que ça va faire plaisir aux gosses. Et t'as pas besoin de te prendre la tête plus que ça. Tu t'en sers pour introduire Elsa, et puis c'est cool. Et puis juste après, t'as la chanson de Let It Go. Une version très courte en plus. Modulée. Donc il y a un petit changement qui a été fait, une version modulée, mais sur le point de vue de l'orchestration, des trucs comme ça, c'est pareil, c'est pas révolutionnaire. Il y a quelques effets en plus qui ont été rajoutés, mais... Ça part plus vite, en fait, pour éviter le côté trop... vu qu'elle est plus courte. C'est ça. Les gens réagissent plus vite à Let It Go, mais ils réagissent plus vite parce que, en fait, on leur a vendu ça. C'est ce que les gens... C'est le même système. De toute façon, c'est... Toute entreprise réagit comme ça. Tu vends tellement le truc que les gens en redemandent. Donc, si les gens redemandent, il faut continuer à le vendre. Donc, les gens vont en redemander. Après, je sais pas si je sais pas ce que Disney Land Paris l'a revendu que le genre demande. Hein. Enfin, t'as des phénomènes comme ça qui transcendent un petit peu. Et pour moi, actuellement, tu vas dans un parc Disney où est-ce que t'as pas de Frozen. Tu vas. Frozen, c'est que actuellement c'est quand même bien calmé. Quand Frozen est sorti, j'étais vraiment au tout début de ma vie, enfin, d'une accélération de ma vie active, ouais. Et j'étais vraiment. C'est vraiment une époque où je suivais de très très très loin Disney. Et pourtant, le phénomène, il était partout. Il était partout. C'était colossal. Et pour te dire, j'ai même bossé au Grand Rex une journée, pas au Grand Rex en tant que tel, mais pour une boîte qui était au Grand Rex. Et je voulais voir le film, mais je pouvais pas parce que je devais bosser. Et j'ai vu le petit show qu'ils font avant le Disney de Noël au Grand Rex. Voilà. Et tu sais, enfin, c'est pour te dire, il y avait une telle émulsion autour du truc que c'était colossal, quoi. C'était un truc de ma boule. Et derrière, effectivement, il y a Disney qui est venu, qui a fait le truc, mais pour moi, ils n'ont pas eu besoin d'appuyer beaucoup, en fait. Et là, tu sens que sur ce show-là, en fait, tu as ce truc où tu es en train de dérouler tout le contenu de ton spectacle. Tu as une chanson, un film qui est là. Tu t'en sers et tu brodes autour sans avoir besoin de faire grand-chose, en fait, parce que ça se suffit à lui-même. Mais voilà, ce qui fait que moi, c'est la deuxième séquence qu'on devrait retirer ou au moins changer de place. Si vraiment on va avoir un moment un peu plus calme, et ben. Changeons jamais de place. Non, mais je sais bien. Moi, je serais pour la modifier, la rendre un peu plus dynamique, potentiellement. Et surtout, alors à l'époque, avant que les premières années du show, on disait qu'il y avait un effet d'escalier de glace qui avait été annulé. Alors, je sais pas du tout si c'est vrai ou pas. Je crois qu'il y avait des concepts d'art. Mais si c'est le cas, c'est bah, clairement tu sens que ça manque, qu'ils ont voulu faire dans le minimalisme, parce que bah, voilà, dans le film aussi c'est un peu minimaliste à la base. C'est mais... un petit peu le défaut Frozen, le défaut Together. Si tu n'es pas en face d'Elsa, bah, en fait tous les effets derrière sur l'écran ils sont pétés. Oh non, c'est pas aussi marquant que dans Together. Dans Together c'est vraiment pété, là ça marche. Mais oui, et puis la scène est à moins vraiment que tu sois très mal placé, filmé, quoi. Mais ouais. T'as été fait filmer, la scène elle est vide, en plus d'orchestration, c'est pas ouf, la musique musicale. Donc après la séquence, hein, bien sûr, tu es à la fin, t'as le magicien qui revient avec son leitmotiv qu'on évoquait au début de l'analyse, avec le thème de Mickey aussi qui accélère, qui passe en Mickey Mouse. Et puis la chanson Let the Magic Shine qui revient très, très très calme avant d'exploser. Incroyable aussi, hein, chanson Lady Magic Shine. Dinguerie. Ça, c'est le Disney que j'aime en termes de composition. Oui, clairement, oui. On est sur quelque chose d'harmoniquement bien plus vif que les quatre accords de Ready for the Ride ou de Together. Together, je trouve qu'il est bien, mais on est en dessous de ce qu'on a déjà pu avoir. Par exemple, Lady Magic Shine, ou même 4-5 mois avant le spectacle, la Believe de la Forêt de Choucou. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Pour moi, on est sur une... pas la même classe, pas le même style aussi. Après, c'est une question de goût aussi, je pense, hein, mais... Heureusement qu'il y a différents styles de spectacle à Disneyland Paris. Sinon, je pense qu'on s'ennuierait assez rapidement. Mon reproche sur ce qu'on a actuellement, qui est très similaire finalement. Ouais. Enfin, tu vois que les shows 2020-2023 sont un peu dans le même style. En gros. En gros, la période pré-Covid était vraiment annonciatrice d'un rebond de spectacle à Disneyland Paris. Ouais. Et là, t'avais une variété avec le Roi Lion aussi, qui a un style très bien, très à lui. JBJ, qui a un style assez différent aussi. Enfin, bref. Une claque quand même, hein, ce show. Tu vois, enfin, on dit souvent, on aimerait qu'il évolue, on aimerait qu'il y ait des choses qui soient retouchées. Mais quand même, dans l'ensemble, c'est le show que je peux retourner voir sans aucun problème. C'est ça. Et qu'au final, peut-être que le show doit avoir des retouches. Mais actuellement, voilà, on va tout le temps voir quand même. Et on en a un peu parlé, mais tout l'aspect scénique théâtral, il est primordial là-dedans. Il est indispensable et c'est ça qui fait le cœur du truc. C'est ça qui le rend si impérissable. Et très, très bien utilisé. Les effets, tu vois, donc l'écran au final, les effets de profondeur. Les comédiens, c'est vivant. Tu vas voir un Mickey le magicien, tu vas pas avoir le même génie, tu vas pas avoir le même Rafiki, tu vas pas avoir le même magicien, tu vas pas. Ça te change plein de trucs. Moi, j'ai des souvenirs de ce comédien qui traîne beaucoup sur les scènes parisiennes, qui s'appelle donc Thierry Gondet, qui avait déjà aussi beaucoup travaillé pour les scènes de Paris auparavant, qui, à chaque spectacle, faisait une vanne différente. Faisait une vanne différente et sur parfois totalement hors contexte par rapport à Disney. Ouais. Il y a Céline qui dit que ça et le Big Band sont des shows dont je ne me lasse pas. D'ailleurs, ça me laisse aborder un autre point. Donc, Mickey le Magicien, c'est un show qui, pendant longtemps, a été joué à l'année, pendant un ou deux ans, je crois. Et il y avait des très longues périodes de relâche, parfois. Il jouait jamais en janvier, février, pratiquement. Dans la vidéo de communiqué de presse, c'était écrit jusqu'au 8 juillet 2017. Donc, le show était censé tenir deux ans non-stop. Ouais, mais je pense que je me demande s'il n'y a pas avec eu. Avec une relâche de deux mois, au mois de janvier, voilà. Février. Voilà. En général, c'est ce que n'avait pas ni Magic. T'avais pas mal de relâches entre janvier et même la pire année, je me souviens, j'avais râlé parce qu'il était revenu fin mars le show et était reparti début septembre, genre. Enfin, j'avais trouvé ça un peu dommage. Et finalement aujourd'hui on est un peu dans l'extrême inverse où ils essayent de le faire jouer à l'année. Je crois même, je peux me tromper, mais il me semble qu'il y a un changement d'équipe qui a été fait ou qui est en train d'être préparé sans qu'il y ait de relâche. Et ça, c'est à saluer quand même. Mais du coup, en fait, ça empêche la possibilité, par exemple, de Mickey le Big Band de Noël qui avait été joué en 2018 et 2019 dans l'Animagic Theater. Donc, pour Noël, justement, c'est pour ça aussi que le show s'arrêtait en septembre, fin septembre souvent, pour pouvoir laisser le mois d'octobre pour mettre en place Mickey le Big Band de Noël et. Et voilà. Mais donc ça, c'est révolu. Aujourd'hui, Mickey le Magicien, c'est une salle. Et c'est la façon de voir de Disneyland Paris. C'est assez original, mais le Mickey le Magicien, c'est le grand show Mickey. Alors, la plupart des parcs Disney ont un grand show Mickey. C'est assez Tokyo, rare. À Tokyo Disney, c'est Big Land Beat. Et souvent, très très souvent, c'est quand même dans le parc à château. Sauf à Tokyo. À Tokyo, à Tokyo Disneyland, t'as le Club Mouse Beat, Club Mouse ou Mickey, un truc comme ça, je crois. Le fameux show où, lorsqu'ils ont fait le truc sur Mini, t'avais 15 Mini en 25 minutes, dont 2 en moins de 10 secondes. Oui, où tu penses qu'il y a au moins 3 ou 4 fois le personnage. Mais ouais, non, mais c'est vrai que c'est assez rare. À Paris, on n'a pas de show Mickey dans le parc Disneyland. Il n'y en a pas du tout, même en ce moment. Hors show à écran, style filaire magique. Mais voilà, donc c'est notable. Donc, Mickey le Magicien, c'est aussi ça. Donc, c'est aussi pour ça que ça ne changera pas et que. Si ça venait à changer, ce serait pour un autre show Mickey, parce qu'il faut un show Mickey dans un parc Disney. Alors, il y a la Fabrique des Rêves, mais c'est un peu différent. Donc voilà, c'est un show qui est là pour durer, de toute façon. La Fabrique des Rêves, tu vois Mickey au début, tu vois Mickey à la fin, mais Mickey ne prend jamais part dans les différents tableaux. Non, bah, c'est le principe. Mickey et Minnie sont là pour... en fait, ils sauvent un peu les gens. Oui, ils sont là pour dire ils le font en coulisses, justement. Donc voilà, qu'est-ce qu'on voulait évoquer comme point de débat ? Vis-à-vis des travaux qui vont être faits actuellement, qui sont en train d'être faits actuellement au Odyssey Studio, je trouvais vraiment que l'inspiration de Broadway, enfin des différents leaks qu'on a pu voir de comptes non officiels, ainsi que des différents permis de construire et de modifications déposés en mairie de Chessy, on tomberait vraiment sur en gros tout un lieu tournant autour de Broadway. Moi, je trouve que Mickey Magicien s'impose encore plus ici, même plus que Together, tu vois. Oui, en fait, oui, t'es clairement dans un style Broadway. C'est ça. Et au final, tu vois, c'est pas l'histoire, hein, ouais, comme on le dit, tu vois, c'est vraiment pas du tout l'histoire qu'il fait, c'est vraiment le style Broadway. C'est le style comédie musicale qui. Musical, comme dirait Alex, qui s'impose. Qui s'impose en fait dans le lieu et dans toute la zone. Et c'est tout à fait pour ça que moi je milite plutôt pour une forme d'évolution un petit peu, parce que mine de rien, bon bah du coup la licence la plus récente c'est Frozen, qui n'est pas en plus la scène la plus riche, on va dire. Et donc je pense que ça serait cool d'essayer de moderniser ça. En réalité, tu sais qui tu pourrais mettre également ? Tu pourrais aller chercher Maui, hein. Maui dans Vaiana, oui. C'est un dieu, fait de la magie. T'as vraiment un nombre infini de possibilités pour remplacer une scène. Et ce serait vraiment le meilleur hommage qu'il pourrait faire à ce show, je trouve. C'est de l'empêcher comme ça de devenir un petit peu vieillot, d'être un peu dans la redite. Parce qu'il l'est pas, parce qu'il est génial. Mais s'il y a quand même... Si tu peux apporter ce 109, ça va vraiment participer à le rendre intemporel. Ouais. J'ai souvenir de Dreams en 2016-2017, avant Illumination, on disait que c'était un show qui était génial et qui n'avait pas besoin d'être remplacé. Par contre, j'en parlais beaucoup avec Nagla à l'époque, avant même que le podcast sorte, que ça serait cool de changer des scènes. Que peut-être remplacer à l'époque le bossu de Notre-Dame ou des trucs comme ça aurait été malin et aurait suffi. Comme ils ont fait pour la Maestrite et Electrical Parade, ils ont rajouté, ils rajoutent et ils changent les chars au fur et à mesure. La parade a 50 ans, le fait qu'ils changent les chars à chaque fois dessus, ça permet de donner un petit coup de neuf à la parade, et un petit coup de jeune, pardon. Et puis au final, tu tombes sur une parade qui a 50 ans avec des séquences d'ouverture, de fermeture, et puis certains chars qui sont vraiment iconiques et qui n'ont s'ils ont pris une ride, mais voilà. Mais au final, à chaque fois, ça met un petit truc. Là, Mickey le magicien, en fait, peut devenir le nouveau Main Street et Tricol Perret si les tableaux sont changés au fur et à mesure. Et je pense, pareil, tu vois, que sur toute la zone là, donc de Theater District, donc ça serait ça un peu le nom de la zone. Je pense, tu vois, si tu mets dans le bâtiment de animation célébration des petits shows un peu à la off-Broadway, pour reprendre le style, et puis un Together qui s'impose plus sur une comédie musicale récente, et je pense que tu peux avoir une belle séquence, un beau lieu de show de Broadway. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose qui pourrait être fait et pourrait être bien. Tout à fait. Tu mets ça, et puis pourquoi pas, j'imagine ça... à la place de Stitch Live, tu fous une zone de restauration avec une petite scène où est-ce que tu as des artistes qui se présentent au fur et à mesure. Ce serait, je pense, le top. Je suis pas convaincu non plus par la façade du bâtiment de Animagic Theater. Je trouve que ça marchait dans un délire studio, et même quand ça a été refait, parce que je l'ai dit, elle a été en partie refaite en 2016. Je suis pas totalement convaincu, et dans un délire très Broadway, je trouve qu'il faudrait essayer de lui donner un style plus théâtre, comme là un peu plus déjà Cinémagique. Cinémagique Theater a un côté un peu plus studio theater. Voilà. Oui. Tout à fait. Il a un côté un peu plus Broadway déjà, et je trouve que ce serait bien d'essayer de ramener un style un peu plus théâtre, un peu plus urbain à Mickey. Voilà. Mickey, c'est bien. Ça te va comme nom? Non, c'est pas correct. Je sais, Maxime. Je suis au courant. Le Mickey créateur. Déjà, Curien, est-ce que ça, c'est la petite phrase que nous avons dans Listening Box? La boîte à musique, tu l'ouvres ou pas? Oui, je l'ouvre. Ouais, c'est original. Je me demande sur quoi vous avez pompé. Alors attends. Si vraiment tu veux partir sur le principe, hein, l'émission elle s'appelle flan. Donc normalement, si tu manges le flan, ça veut dire que c'est cool. Mais pourtant, si tu dis que c'est un flan, c'est un peu à chier. Je dirais que Mickey Magicien, c'est pas du flan. Mais au final. Mais donc non, la musique est vraiment extraordinaire. Même les séquences un peu plus calme et qui beaucoup moins travaillée, arrive toujours à être beaucoup plus originale et beaucoup plus impressionnante et surtout agréable à écouter que beaucoup de productions de 10 ans de Paris actuellement. Ah oui, aucune musique à l'époque, on savait faire des choses hein, quand même. Aucune musique. Ah si, peut-être la séquence de transition, la séquence des guitares de Together, mais aucune musique, par exemple, de Together, pour prendre un show équivalent plus récent, aucune musique de Together ne vaut les musiques de Mickey Magicien. Je suis d'accord. T'as que celle de Frozen qui est très paresseuse, qui est limite celle du film, quoi. Mais sinon, c'est ça. Sinon, ouais, c'est inattaquable. Dites-nous en commentaire, vous, par quelle séquence, par quelle licence vous remplaceriez la séquence du Roi Lion, et puis pourquoi pas aussi celle de Frozen. De toute façon, il y aura le petit sondage Spotify qui va être fait. Ouais. Une petite question sur Spotify parce que maintenant c'est trop cool. Et puis voilà. Merci beaucoup Hypercure de m'avoir accompagné donc, sur cette Disney's Music Box, le retour de la saison 4. Bah, merci à toi de m'avoir laissé m'incruster. Et ben ça fait plaisir. Donc j'espère qu'Alex va pouvoir nous rejoindre très très vite, sachant que fait la prochaine Music Box, donc ça serait le mois de décembre, vu qu'on sera en faire une par mois. Et ben on fêtera en fait nos 4 ans parce qu'on a commencé. J'ai retrouvé ça en faisant les chiffres hier de la Music Box. On a commencé le 26 novembre 2020 avec La Belle et la Bête. Oui, il y a des formats longs de la Music Box, ça existe finalement. Et même les formats longs, les lives au début quand je l'ai monté, ils faisaient moins d'une heure. Je crois que le plus long qu'on ait fait, c'est 2h01. C'était sur Frozen, c'était un format long qui était un calvaire à monter avec deux personnes qui étaient avec deux personnes qui étaient totalement insupportables. Je crois que c'était les mêmes gus que sur le flanc Blanche-Neige. Il y avait au moins un point commun. Et voilà, vous pouvez retrouver le format court sur Nuit sur le Mont Chauve qui est sorti donc la semaine. Ça tombe bien, Nuit sur le Mont Chauve avec nous deux. j'ai quoi faire hier. Bon, ça a mis 2 minutes, hein, le truc. Bonjour, c'est pourquoi? Bah. Je comprends pas. Je crois même qu'il a tellement pitié que le mec il me fait payer le tarif coupe normal, il fait l'avoir avec. Et vous, dans l'angle d'y penser, vous avez quoi? Alors nous, on a sorti deux formats courts, justement. On a un « Ça fait rêver » de Pauline, qui est sur les Halloween Horror Nights, que vous pouvez retrouver d'ailleurs en format vidéo sur YouTube, monté avec que des images et tout, c'est trop bien. Ce qui vous racontera l'histoire du Dr. Oddfellow et c'est très chouette, très un peu horrifique sur les bords, donc soyez avertis, mais n'hésitez pas à aller voir ça. Gros travail de montage aussi, donc c'est cool. Et vous avez également mon dernier format court à moi qui est sorti ce jeudi 1er novembre, 2 novembre, sur les pré-shows et ce qu'ils ont fait de mal au fil d'attente. La Disney Music Box est donc un live de Belle et Bête avec un génial d'y penser, Flamme, Secret Disney, Musicland, et puis donc aussi les lives sur Twitch, hein, comme ce soir, ou encore les lives apéro qui sont hebdomadaires, ou presque. N'hésitez pas donc à nous soutenir aussi sur patreon.edabelle.com, et puis il n'y a pas de boutique. Il n'y a pas de boutique. Mais ne vous inquiétez pas, les surprises arrivent. Merci beaucoup, Hypercurien. Merci à toi. À bientôt. À très vite. Et puis, bonne soirée tout le monde. Au revoir.